Radiomatic. La transmission 384 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique de la formation suédoise Ordo Rosarius Equilibrio avec sa pièce Which Word Confines the Truth, Dancing for Love and War, apparaissant sur le mini-album intitulé Four. Les sonoristes vous offrent maintenant à entendre le groupe anglais Alien Sex Fiend.

Il s'agissait à Audiomatic du groupe anglais Alien Sex Fiend et sa composition Catch 22 qui comprend quatre parties, soit la partie 1 intitulée You, la partie 2 intitulée Along Comes Reality, la partie 3 intitulée Hubble Bubble et la partie 4 intitulée Goodbye to Space. La pièce Catch 22 ouvre le 7e album studio d'Alien Sex Fiend qui porte le titre de Curse et qui est paru en 1990. Et c'est sur la musique de l'artiste Peter Bjargo que se poursuit Audiomatic. faces on it, one of which was like really ugly and one was really beautiful. The idea is to sort of, like in this poem, you know, life generally to sort of reconcile this beauty and ugliness into one thing that's a sort of kind of like manifesto of how the manuscript is supposed. À Audiomatic, nous venons tout juste d'écouter le projet Velvet Acid Christ et la pièce Amnesia tirée de l'album The Art of Breaking Apart paru en 2009. Avant cela, nous entendions la formation Chapter House et la pièce Delhi qui s'aventure par ailleurs sur un territoire plus exploratoire sur le plan des sonorités. Donc cette pièce apparaît au sein de l'album Blood Music qui est sorti en 1993. Et avant Chapter House et en début de séquence, c'était l'artiste suédois Peter Bzargo et la pièce The Codex of Repetition tirée du plus récent album intitulé The Translucency of Mind's Decay publié en 2021. Soulignons au passage que Peter Bjargo est le compositeur derrière la formation Arcana. La transmission 384 d'Audiomatic se poursuit cette fois avec la formation britannique Red Lorry, Yellow Lorry. Audiomatique, nous écoutions la pièce 24 Hours, un extrait de l'album Closer du défunt groupe anglais Joy Division qui est sorti en 1980. Précédemment à Joy Division, nous avions droit à la formation américaine Licia qui nous offrait la pièce Bear, extraite de son cinquième album intitulé Cold et sorti en 1996. Et pour amorcer cette séquence, c'était Red Lorry, Yellow Lorry et la chanson titre de son quatrième album Blow, lancé en 1989. Nous allons conclure cette transmission 384 d'Audiomatique sur la musique de la formation Funkervocht et la pièce Zeit qui clôt l'album Machine Zeit paru en 2000. Nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomatique CFOU et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou encore réentendre nos anciennes transmissions d'audiomatique. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 385 d'audiomatique. Et voici Funkervocht et la pièce Zeit. C'était Audiomatique avec les sonoristes. I'm gonna go to the top.